Retro Nouveau. Aujourd'hui à Retro Nouveau, nos impressions des jeux Incubo, Thundercade, Colors 3D et Rhythm Heaven. La discussion, les accidents de gamers et un top 5 des babes de jeux vidéo. Ooh, sexy! Yeah. Bonjour et bienvenue à ce 27e épisode de Rétro Nouveau. Salut Bruno! Salut Dom! Ça va? Ça va toi? Ça va très bien! Pis là, t'as ta 3DS dans les mains parce que t'avais quelque chose à dire là-dessus. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu un update cette semaine, je pense. Ou du moins, moi je l'ai fait dernièrement. Non, je l'ai fait cette semaine. Non, moi je l'ai fait cette semaine aussi parce que j'ai réallumé ma 3DS. Ben oui, c'est ça, puis on va en reparler tantôt. Moi j'ai même pas joué cette semaine en plus, ça va être toi. Mais je voulais juste te montrer puis d'en parler au monde. Maintenant, on peut faire des folders, des dossiers. C'est cool, dans ça. À travers tes jeux, là, dans le fond. Fait que moi je trippe parce que je me fais un dossier Game Boy, que je mets tous les jeux de Game Boy original là-dedans. Un autre pour le NES, un autre pour le SNES, un autre pour le SNES. C'est de l'organisation. Puis moi, j'étais un gars bien anal, alors j'adore l'organisation. Donc, merci pour ce update-là. C'est si cool, si vous avez ça. Le 3DS, allez le faire tout de suite. Ben oui. S'il pouvait même faire la même affaire sur la Vita, bâtard. Bon, ça va venir peut-être un moment donné. Ça va venir à un moment donné. Mais c'est le système de la Vita, là. Ouais. Pas terrible. Ah, ben là. Fait que là, on voulait vous parler aussi du son du dernier épisode. Vous avez remarqué qu'il y avait une différence de son. Ça a shifté un peu, là. Ça a shifté, puis finalement, c'est à cause que je suis un imbécile. En fait, on était allé à la boutique chasse-pêche. On était allé s'acheter des fusils pour s'enlever la vie. Mais là, finalement, j'ai fait des tests. J'ai fait un petit test lundi soir, puis j'ai réussi à trouver c'était quoi le problème. Bruno a accroché le bouton de son micro. Ouais, c'est pas fort. Oh, c'est pour ça qu'on l'a perdu un moment donné en plein milieu d'une chronique de jeu. Ouais. Donc, puis qu'on a fini avec notre Zoom, notre ancien micro. Ben oui, notre Zoom, quand même. Qui nous a sauvés, pareil. Sinon, il n'y aurait pas eu d'épisode encore. Ouais. Imagine, en tout cas. Mais tant mieux, Krim, gloire à notre Zoom. Gloire au Zoom qui nous permet aussi de faire des entrevues. Oui. Puis on est back in business, puis là, tout fonctionne. Fonctionne. Touche pas à ton micro. Ouais. Je touche à rien. Ça là, va bien aller. Restez bien correct. Puis, ben c'est ça. Puis aussi, on voulait parler des ajustements visuels du blog. Ouais. Parce que là, le blog, c'est ça, ce qu'on s'est aperçu. On essaye de travailler les affaires de Rétro Nouveau pour que le monde comprenne mieux ce que c'est Rétro Nouveau. De quoi on parle, c'est ça. C'est ça. Puis on a changé les icônes iTunes. Oui. On a mis une genre de manette, des manettes rétro, puis des manettes next-gen, puis on a écrit Rétro Nouveau. Puis pour la vidéo, on a mis un petit icône de caméra. Oui. On a changé le Twitter aussi. Oui. On a mis encore des petites manettes. Tu sais, pour que le monde, quand il voit juste l'icône, qu'il sache qu'on parle. C'est ça, il sache à quoi s'attendre. Il y a une vieille manette, une nouvelle manette. Oui. Ça met au moins la puce à l'oreille, là, moindrement, même si c'est petit. Puis j'ai arrangé le Twitter aussi drette ce matin au même visuel que la bannière qu'il y a sur notre blog. Puis aussi dans la section podcast, on rajoute du visuel là présentement pour chaque épisode. On rajoute des images dans le fond. Ah, fait que sharp, dorénavant, c'est, ça fait vraiment, ça donne vraiment le goût. Ça des donne écouter, le goût des checker. Puis ça donne un petit aperçu des jeux auxquels on va parler, là, dans le fond. Desquels on va parler. Puis des fois, il y en a plus, je peux pas toutes les mettre. En tout cas, c'est un maximum de 6. Mais c'est cool, là. Moi, c'est j'adore ça, faire ça. Je fais ça à temps perdu, tu sais. Puis Dieu sait que j'ai pas de temps à perdre dans la vie. Mais en tout cas, je m'invente du temps perdu, puis je m'amuse à faire ça. C'est très agréable. Ouais. Alors, allez visiter la section podcast pour voir ça. C'est bien chouette. Et puis, c'est ça va sûrement chouette. Vous donner le goût de télécharger nos anciens épisodes si vous ne les avez pas écoutés encore. C'est vrai, ça. Vraiment. Parce qu'il y en a qui n'ont pas écouté les anciens épisodes. Ben non, puis on a du bon stock là, en arrière. Là, on a je pense même à moi-même. Je pense à des podcasts que j'écoute, comme, mettons, les Geekers. Ouais. La commission des Geekers, moi, je les ai connus sur le tard un peu, vers le 5-6e épisode. Ouais. Mais je me rends compte que les 3 premiers, je les ai pas écoutés. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, là, je vais aller les télécharger. Absolument. En tout cas. Allez voir notre vieux stock. C'est tout aussi bon que le nouveau stock. Là, vraiment. Donc, on a du stock en masse. Cool. Quoi d'autre? Ben c'est ça. Toi, tu voulais parler d'un petit projet de rétro nouveau qu'on a avec ça. Le public. On a parlé de ça. En fait, l'idée m'est venue en lisant du courrier. le courrier du cœur. Les gens qui nous envoient du courrier. Dans le fond, on va faire le courrier en même temps. Ça va mieux se résumer. Alors, j'y vais avec une lettre de Sébastien Richard qui nous dit, là, je résume. Là. Oui. Que dirais-tu que je te montre un article sport historico rétro gaming? Dieu sait que je ne suis pas le sport, mais j'ai, depuis les années 80, une fascination pour la rapidité d'exécution de Mike Tyson à la boxe. Je te propose donc que je te montre un article qui fait à la fois le suivi de l'évolution de Punch-Out dans toutes ses versions, ainsi que l'implication de Mike Tyson dans l'industrie du jeu vidéo, incluant ici Punch-Out, Super Punch-Out et Fallout 2. Ouais. Ça, je sais pas pourquoi. Je ne donne pas de date de tombée, mais c'est assurément un article que j'aimerais faire pour Rétro Nouveau. Vois-tu? Puis, super intéressant, ça. Il y a aussi Martin Hull, le trucker geek, qui m'achète des jeux régulièrement, exact. Qui est vraiment passionné. Hein? Oui. Il adore vraiment, il est très passionné des jeux vidéo, puis il y en a beaucoup. En tout cas, on jase quand il vient ici, puis c'est vraiment cool, ses affaires. Il dit « Salut Dom, si éventuellement, dans vos projets futurs de Rétro Nouveau, vous avez besoin de chroniqueurs écrits pour le site web, je détesterais pas faire une chronique ou une critique de jeu de temps à autre. Je pourrais être un genre de pigiste bénévole. Si jamais vous êtes intéressé éventuellement, laissez-moi savoir. » Alors, ces deux affaires-là, et puis il y en a eu d'autres aussi dans le passé, des gens qui voulaient contribuer. Oui, oui. Ça nous a fait réfléchir, puis on a envie de faire une section dans notre menu, dans notre blog, là, finalement. Oui. Donc, ça serait disponible dans le menu à gauche. Puis ça s'appellerait, on ne sait pas encore comment, votre section, quelque chose de même. Puis, si vous avez envie d'écrire, puis de contribuer en faisant des critiques de jeux ou faire un historique, tu sais, vous voulez comme bloguer, finalement, publier des billets ou n'importe quoi dans ce genre-là, ben on pourrait mettre ça là-dedans. Dans le exact. Fond. Fait que ça apparaîtrait sur le blog comme une nouvelle tout de suite, puis ça défile, puis ça serait répertorié, puis classé par ordre chronologique dans cette section-là. C'est ça. Parce que moi, dans le fond, ce que je dirais au monde, c'est si vous êtes intéressé à ça ou si vous voyez quelque chose d'intéressant, envoyez-le à notre courriel info@retronouveau.ca. Ouais. Puis là, à ce moment-là, nous autres, on va pouvoir prendre votre texte puis justement le mettre en page pour la section. Absolument. Puis on va mettre votre nom, genre, puis on va mettre une image ou whatever. Là, nous autres, on va faire le billet, là, finalement. Puis moi, j'inviterais les gens aussi, les gens qui veulent contribuer de façon vidéo aussi, c'est possible. Ouais. Si vous voulez faire des vidéos qui ont rapport à Rétro Nouveau, des affaires qui pourraient nous intéresser, envoyez-nous-les. Nous autres, on est intéressés, on est deux à faire Rétro Nouveau. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que, tu sais, on aime l'aide de n'importe qui, ça peut être le fun, tu sais. Fait que, ben c'est ça, si vous avez des vidéos, des trucs que vous avez fait, tu sais, whatever, là, vous avez chez vous, vous êtes filmé en train de finir Punch-Out, genre, vous voulez le partager, ben vous pouvez l'envoyer, puis on va le bloguer, ben puis il va aller dans la section des participants. Je peux appeler ça de même, genre, on n'a pas de nom encore. La là, section mais, du public, mais en ça tout sera cas. Ça. Mais tu sais, c'est pas tant. Rétro Nouveau, c'est quand même nous deux. Ouais. Tu sais, on cherche pas, du moins pour l'instant, des coéquipiers. Non, c'est ça. C'est un peu le projet, on travaille là-dessus, moi et Bruno. Mais si on veut publier les choses que les gens ont à offrir, finalement. Donc, si vous avez des choses, ben envoyez-nous ça. Puis on va mettre la section en ligne. Ben là, vous écoutez ça, je sais pas quelle date qui est pour vous. Peut-être c'est déjà fait, là. Mais surveillez dans le fond le blog, surveillez Facebook, Twitter, puis ça va être là. Génial. Puis moi, j'avais une autre chose à ajouter en intro. Oui. J'aimerais ça faire un shout-out. Parce que j'ai découvert un podcast super intéressant. Cette semaine, par le biais de Nicolas Verge, qui est un fan sur Twitter, qui me suit et que je suis depuis un bon bout de temps, un gars super intéressant, qui m'a dit récemment, quand j'avais fait la critique de Fez, « Hey, regarde, j'ai fait une entrevue avec un des gars du jeu. » Fait que là, je fais « Ah ouais, super le fun, je vais aller voir ça. » Puis je suis allé écouter ça, puis c'était vraiment intéressant. Puis il m'a dit « Ça fait partie de mon podcast, plug. » Fait que là, je vais être comme « Ah cool, je vais aller voir ça, tu sais, je vais aller écouter ça. » Puis le podcast s'appelle « L'erreur 400 cast. » Ah, c'est très drôle comme nom. C'est vraiment drôle comme nom. C'est vraiment l'erreur en mots, 400 en chiffres, puis cast, C-A-S-T. Ouais. Puis c'est disponible sur iTunes, puis c'est vraiment... c'est disponible aussi ailleurs. Je pense que c'est disponible sur Podmatic. Puis c'est vraiment intéressant comme podcast, c'est vraiment bien fait. Les gars, on dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie, bien franchement. Ouais, hein, parce c'est que vraiment clean. Là, c'est pro. Naturel, c'est ouais. clean, c'est vraiment pro. On dirait que tu écoutes une vraie émission de radio. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Mm. Puis c'est des sujets variés, évidemment. Ils vont parler des jeux. Ils ont un volet jeux vidéo, un volet techno, mais ils ont aussi un volet musique film, émission de télé, du blabla en général. Ils font une discussion aussi. Fait que podcast super intéressant, vraiment rafraîchissant. Il y a 3 épisodes jusqu'à maintenant. Ouais. Fait que moi, je vous conseille d'aller télécharger ça. C'est vraiment intéressant. C'est très bon. Puis, dans le fond, aussi, je vais peut-être continuer d'enchaîner vite fait avec la lettre de Sébastien Richard, parce qu'il y avait d'autres points auxquels on peut répondre qui va peut-être aiguiller les gens. Donc, où j'en suis? OK, ça, c'est une autre proposition qu'il voulait me faire. Il dit aussi, serait-il possible de placer des milestones ou des chapitres à vos podcasts? Ainsi, chaque section critique de jeu serait facilement retrouvable et vous pourriez même présenter une table des matières de chaque podcast dont les sections seraient facilement repérables dans les différents lecteurs. Ben, c'est déjà fait. C'est déjà fait, mais c'est ça, c'est que c'est fait dans iTunes. C'est vraiment, si vous lisez le podcast avec iTunes ou avec un truc à Apple, finalement, un device à Apple, ça va fonctionner. C'est des chapitres, puis vous pouvez aller directement aux sections que vous voulez. Puis c'est un podcast avec des images, puis tout ça. Je sais pas comment faire cette version-là pour une autre plateforme. Mm-hmm. S'il y a quelqu'un qui sait comment faire ça pour une autre plateforme, pour Android, je suis ouvert à ça. Vous pouvez me dire comment ça fonctionne, puis je c'est sûr et certain que ça m'intéresse. Par contre, pour l'instant, c'est juste iTunes. Il y a des chapitres, sauf que quand même, quand vous regardez le contenu du podcast dans la page podcast, c'est très bien détaillé de quoi on parle dans le podcast même. Là. On fait une petite description, puis les jeux sont énumérés. Là. On le dit pas tout là, de non. façon là, exhaustive, là, mais tout est là. Puis aussi, en même temps, on va pas dire le timing exact puis tout ça par la suite pour les critiques, parce que dans un sens, je veux dire, t'sais, ça ferait comme un peu bon, mais t'sais, j'écoute votre podcast juste pour 4 minutes du podcast. Fait que t'sais, ce côté-là m'intéresse pas vraiment. Non, t'sais, je me dis, regarde, je fais des chapitres, c'est le fun, c'est intéressant qu'il y ait des chapitres pour diviser les choses, mais c'est pas dans le but non plus qu'une personne aille direct dans un bout de notre podcast et qu'il écoute pas le reste. Fait que, ouais, c'est ça. Oh. Mais je suis ouvert. Si tu connais une solution, sérieusement, je suis vraiment ouvert. Voilà. Et puis aussi, suggestion, pourquoi ne pas mettre la musique trame sonore du jeu dont vous parlez lorsque vous en parlez au lieu d'un thème incongru? Cela appuierait votre sujet. Excusez, c'est mal imprimé. Okay. De plus, puisque vous parlez des jeux intéressants, il serait d'autant plus immersif comme ambiance pour un auditeur d'avoir cette info auditive plutôt que de reconnaître une toune de Kirby pendant Ninja Gaiden. Je suis totalement d'accord. La seule affaire, c'est que des fois, il y a des thèmes qu'on peut pas aller chercher. Qui sont difficiles à retrouver. Des fois, on va pouvoir les trouver sur YouTube, mais la qualité est mauvaise. Puis, ça arrive souvent qu'une trame sonore de jeu est juste pas là. Mm-hmm. Elle n'existe pas sur YouTube, elle n'existe pas sur aucune plateforme. Fait que... Exemple, Truxton. Oui. Parce que t'as du gameplay de Truxton, mais t'as pas le soundtrack de Truxton. Ben, ça, c'est pour exact. Le rétro. Là. Mais il n'y a pas tout le temps tout, là, disons. Ouais. Nous, ben, on browse des databases de tunes, finalement, puis on y va avec ça. C'est plus pour habiller. Là, c'est finalement. Ça, c'est plus pour habiller. Puis en passant, c'est moi qui fais le montage à toutes les semaines. Là. Il y a au-dessus d'une trentaine de tunes par épisode. C'est pas rien. Ouais, là. C'est ça. Là. Fait que je veux dire, si je commence à prendre chaque tune qui marche exactement avec le propos, il n'y aura pas un épisode par semaine. Non, c'est ça. Il va y avoir un épisode aux 2-3 semaines parce que je vais tellement avoir de recherches musicales à faire. Déjà que de mettre de la musique, c'est une grosse étape de plus qu'on a décidé d'embarquer puis que c'est toi qui fais. On a fait ça un moment donné puis là, on continue puis tout. C'est ça. Donc, c'est ça. Il faut aussi... on pourrait en faire bien les affaires. C'est ça, mais tu sais, quand même... Vous n'auriez pas un show par semaine. Là. C'est ça. Il faut qu'humainement, ça soit possible. Puis tu sais... Des fois, je trouverais ça. Moi aussi, je trouve ça. Ouais. Je trouve que ça serait intéressant d'avoir. Ben, ça serait à propos. C'est certain. Puis des fois, j'aimerais bien ça quand, mettons, tu dis cette semaine, je te parle de Ninja Gaiden. Puis là, paf, la toune commence. Puis elle fade juste au bon moment quand décides de parler d'autre chose ou tu décides de parler d'un extrait. Puis là, t'as l'extrait. Puis tout ça, tu sais, c'est beaucoup de travail. Fait que. C'est intéressant, peut-être un jour, mais là, pour l'instant... C'est trop de travail présentement, la recherche, puis le zigonnage là-dedans, puis j'ai essayé de trouver des tunes. Tu sais, ouais. C'est des heures, dans le fond, qu'on met là-dessus au lieu de travailler. Dans la vie, ouais. Donc, c'est pas possible. Alors, quoi d'autre? Un petit, on y va avec une petite finale. Mes collègues au bureau vous félicitent pour votre acharnement à structurer votre podcast. C'est très cohérent, clair et concis. Trop de podcasts se perdent en parenthèses et en tergiversations qui ne finissent plus. Vous en faites, mais elles sont appréciées au travers de la structure ressentie et appréciée. Il en va de même pour les pièces musicales décrites en rétro nouveau. C'est très apprécié. Alors, merci Sébastien. Merci beaucoup. Fait que moi, je vais commencer cette semaine en te parlant d'un jeu, une méga surprise pour moi, parce que dans les dernières semaines, ben franchement, là, je commençais à plus avoir de jeux. Je m'ennuyais, ouais, vraiment. Il n'y avait plus de jeux vidéo disponibles. Non! Puis tu sais, dernièrement, tu sais, je voulais louer, comme là, pour cette semaine, je voulais louer Prototype 2. Ouais, ouais. J'arrivais au club vidéo, puis il était pas là. Puis tu sais, je veux pas l'acheter, Prototype 2. Je veux plus le louer. Je suis comme pas sûr d'un achat pour ce jeu-là. Fait que tu sais, j'étais intéressé à le critiquer, mais bon, il était pas là. Fait que là, je me dis, hey, de la merde, là, je veux un autre jeu pour parler à Rétro Nouveau. Fait que j'ai ouvert mon iPad. Je me suis dit, il y a bien des jeux qui sont exclusifs au iPad. Puis j'ai trouvé un vrai bijou. Ça s'appelle Inkobo. Inkobo? Oui. Moi, j'ai Inkoboto ici. Inkoboto, c'est vrai, c'est Inkoboto. Okay. Parce que c'est ça qui est écrit sur ma feuille, je me suis trompé. C'est Inkoboto. Puisque tu vois, on a des feuilles. Là. Oui, on est structuré quand même. On a un minimum d'informations. Fait que c'est ça. Inkoboto, c'est vraiment c'est un espèce de jeu. Les influences, vraiment, le créateur s'en cache pas. Les influences, c'est Portal puis Ico. Deux jeux que je respecte énormément. Puis c'est un jeu dans lequel il y a. C'est un jeu de plateforme dans lequel il y a certains puzzles. Puis c'est le feeling là-dedans, c'est vraiment là, atmosphérique. Là. T'as comme une vibe super le fun, vraiment smooth. Puis là-dedans, ce que c'est que je te dis l'histoire, dans le fond, c'est que il y a une grosse corporation qui s'appelle La Corporation qui détruit tous les soleils dans l'univers. Ah, ben, attends, c'est pratique. Hein? Puis là, il y a un petit garçon qui s'appelle Inko. Hein? Inko. Ouais. Puis son ami, une espèce de gros soleil qui s'appelle Helios, qui vont dans la galaxie pour rallumer le ciel. Fait que c'est tout simplement ça. Fait qu'ils vont dans la galaxie sur des différentes petites planètes. Ils vont tourner autour des planètes puis ils vont aller allumer certaines choses. Puis ton personnage, c'est le fun parce qu'au départ, il fait pratiquement rien. Il fait juste sauter. Okay. Puis plus ça avance, plus tu ramasses des objets qui vont te permettre de progresser à la Metroid, à la Castlevania. Okay. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Ce jeu-là, en parallèle, m'a fait penser un peu à Fez. Okay. C'est vraiment... c'est parce que dans Fez, t'avais pas vraiment d'ennemis. C'est plus du platforming. Puis là-dedans, c'est un peu ça. C'est du platforming. Puis ce qui est le fun, c'est que les contrôles sont excellents sur iPad. On te permet de jouer soit avec des contrôles vraiment classiques, là, qui seraient comme un genre de pad, puis avec un bouton à droite pour sauter, ou de jouer juste avec un doigt. Puis même les créateurs disent que c'est mieux de jouer avec un doigt. Ben oui. Puis ça va super bien. La façon que c'est fait, c'est vraiment comme une planète. T'es sur une planète en rond, puis tu tournes autour de cette planète-là. Dans le fond, tu marches dessus, puis tu vas sauter sur des plateformes, puis des fois, il faut que tu allumes une switch, genre t'as comme trois couleurs sur la switch, puis faut que tu réussisses à trouver les bonnes couleurs sur la planète pour les lancer sur la switch pour l'allumer. Des trucs de gravité aussi là-dedans qui fonctionnent, puis en même temps, il faut que tu donnes des étoiles à ton soleil pour le nourrir, pour qu'il réussisse à allumer d'autres planètes. Okay. Le jeu est super long et vraiment très, très, très bien fait. Y a-t-il un facteur temps pour allumer ta planète? Non, t'as pas de facteur temps. Okay. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment atmosphérique. T'sais, à la limite, là, c'est un jeu de détente, si ça se trouve, parce que même Fez, c'est un jeu de détente. On dirait que c'est rendu de plus en plus populaire, les jeux atmosphériques de détente. Hein? Il y en a de plus en plus de ça. C'est l'approche indie, là, justement, à place d'aller frénétique à la Capcom qui grouille puis qui capote à gauche et à droite. Ben là, t'es dans quelque chose d'un petit peu plus slow. Mais l'atmosphère est slow, mais le jeu est quand même bien rythmé. Tu sais, c'est pas plate. Mm-hmm. C'est super le fun. Bref, c'est un jeu qui est seulement disponible pour iPad. Tu peux pas jouer sur aucune autre plateforme que ça. Ah. Puis il coûte 3$. Puis c'est de la bombe, ce jeu-là. J'ai pas fini encore d'y jouer. Ouais. Puis je trippe vraiment fort sur ce jeu-là. Là. Je me demande même si ça va pas se retrouver dans mes meilleurs jeux de l'année. Ah ouais, tant que ça. Tant que ça, là. Puis tu sais, c'est... L'autre fois, on avait un débat à se dire « Ah, ça marche-tu les contrôles t'sais, sur un iPhone, sur un iPad? » Là-dedans, là, c'est un jeu qui est fait pour ça. Il est fait pour l'iPad. Mais je le verrais très bien se retrouver sur une console. Ouais. Mais les contrôles vont bien sur un iPad. Ça fonctionne à merveille. Puis il n'y a pas de ralentissement. Le style graphique est hallucinant. C'est vraiment beau. C'est minimaliste. La musique est juste trop excellente. Là. Ouais, hein. Fait que t'sais, tout est beau. Tout est tellement merveilleux dans ce jeu-là. Puis c'est vraiment étonnant. C'est drôle parce que le gars qui a fait ça, c'est un des gars qui a travaillé sur Fable sur 360. Okay. Lui, il a quitté Microsoft pour aller faire des jeux seul. Okay. Il fait tout seul. Okay. De savoir que lui, il a fait Inkoboto tout seul, c'est vraiment impressionnant parce que c'est un jeu qui a l'air de rien puis qui en offre tellement. Puis je veux dire, quand tu le regardes, tu te dis, ah, oh, c'est une mécanique, puis je vais me tanner comme tous les jeux iOS que c'est genre une mécanique, tu sais, puis essaye de te rendre le plus loin possible. Mais c'est pas ça. Il y a une progression, puis tu sais, ça me fait penser à un Metroidvania, là, vraiment. Là, tu sais, t'évolues tout le temps, fait que c'est super le fun. Fait que Inkoboto pour iPad, puis il coûte 3$. Fait que c'est vraiment un must. Ça, là, un must. Bon, ben écoute, pour faire totalement contraste avec tout ce que tu viens de dire, je vais parler d'un petit jeu de marde. Tu jouais quand je suis arrivé. Je suis déçu. Ben oui, parce que je voulais rejouer encore pour me remettre dedans. Mm-hmm. Il s'agit de Thundercade au Nintendo Entertainment System. Puis écoute, combien à peu près ce jeu-là? 5$. Je trouve ça. Ouais, vraiment. Ça peut te donner un indice finalement de la qualité du jeu. Non, c'est ça. Ben, parce qu'il est très, très, très commun. Puis écoute, il l'a dans pas mal toutes les pawn shops, partout. Là. C'est un peu partout, ça. Là. Puis, ça vaut rien. Tu peux négocier ça pour des peanuts. Moi, j'avais joué quand j'étais plus jeune. Puis j'avais comme un souvenir qu'il y avait un certain potentiel à ça. Parce que tu es une genre de moto. Un gars sur une moto. Okay. Puis, tu t'en vas le tableau et c'est sur pied sur rail à verticale. Okay. Puis un peu comme Jackal, tu sais. Ouais. Sauf que le tableau avance tout seul. Okay. Puis toi, sur ta moto, tu peux pogner des power-up, donc tu peux avoir un petit buggy à gauche puis un petit buggy à droite. Ah, c'est cool, eux autres avec qui tirent, là. Fait que ça, c'est cool. Mais tu peux te les faire péter aussi. Donc, c'est ça. Fait que tu progresses, tu avances jusqu'à la fin du tableau puis tu essaies de passer ton tableau. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ce qu'il y a de terrible là-dedans, c'est que c'est tellement mal fait, tu sais. Okay. Premièrement, tout flash dans l'écran tout le temps, on dirait. Ouais. Là, ta moto, on dirait qu'elle clignote. La machine a de la misère à suivre. On dirait, la musique est omniprésente. T'sais, la tune est correcte, mais c'est tout le temps la même. À un moment donné, tu veux fou, là, tu sais. Puis on dirait même la texture du sable, j'ai vu tantôt, ça clignotait. Les textures, là, il y avait comme trop d'affaires dans l'écran. C'est tout hallucinant, là. C'est pas propre, là, du tout, là. Tout est un peu blurry. Tout est comme clignoteux, tu sais, flou. Ah. Puis, tu sais, aussi, quand tu tires des ennemis, ça fait pas de bruit. Ouais. Quand toi, t'exploses, ça fait pas de bruit. Quand tu hits un ennemi plusieurs fois avant qu'il meure, tu sais, parce que, mettons, il y a des tanks, tu sais, il faut qu'il tire 5-6 balles, tu sais. Il n'y a pas de bruit par balle. Tu sais, quand tu joues à Contra, tu tires sur un méchant, ça fait ting, ting, ting. Ouais. Là, ça fait rien, tu sais. Fait que des fois, t'es pas sûr tout. Si tu le touches, tu sais, ou pas. Surtout quand t'arrives au boss. Le boss du premier tableau, man, c'est dégueulasse. Ouais. Parce que c'est un espèce d'avion que, genre, mais qui vole pas, okay. qui est au sol. Mais là, elle se promène de gauche à droite, mon gars, mais dans le mouvement le plus saccadé que t'as jamais vu de ta vie, tu sais. Okay. Fait que t'es pas capable de viser comme il faut, là, parce que c'est comme s'il manquait des frames entre, okay. dans son déplacement. C'est comme si elle clignotait de gauche à droite, tu sais. Tu peux pas la suivre, genre, puis essayer de viser son canon comme il faut. C'est vraiment pourri. Yeah. Fait que là, au moins, avec le bouton B, ou A, je me rappelle plus, t'as une attaque spéciale. Okay. Ça, y a un avion qui passe, un avion allié, puis qui lance des bombes sur tout ce qu'il y a dans l'écran. Ben, pas tout ce qu'il y a dans l'écran, ça suit un certain chemin. C'est donc, le money shot. Ah ouais, puis là, t'envoies ça quand tu peux, là, tu sais. Donc, c'est ça. Mais C'est tellement brouillon. On dirait que c'est pas fini, ce jeu-là. C'est vrai qu'on dirait que c'est pas fini. C'est un jeu qui mériterait de se ramasser sur une cassette de 200 quelques ouais, jeux. Oui, totalement. Puis je checkais aussi tantôt de dessus, quand t'es juste une moto, ton bonhomme a l'air d'une gazelle. Ouais, le sprite est comme... Le sprite est dégueulasse. Dégueulasse. Ah ouais, il est fait sur le long en plus. Là. Ouais. Puis tu sais, comme il est bien plus gros que les tanks, là, ouais. Ça marche pas. Mais ça marche pas en tout. Au moins, tu peux écraser les gars, là, ouais. Les ennemis. Ça, c'est le fun. Mais puis aussi, il y a des hélicoptères là-dedans. Ouais. Puis les hélicoptères, là, ils sont tellement rapides, là. Ils arrivent, mon gars, puis là, ils arrivent genre 5-6 de la shot, ouais. Puis leurs balles vont tellement vite, là. Tu meurs, c'est sûr que tu meurs à chaque fois qu'il y a des hélicoptères. C'est ça. Faut que tu gaspilles de tes power bombs, là, des avions. Mais c'est ça. Puis là, mettons, tu commences au deuxième stage, tu t'es équipé, genre, ouais. À, dans le tableau bonus entre le premier stage puis le deuxième stage, tu commences en lion, là, tu sais. Là, ils t'envoient une barge d'hélicoptère, man, de pa-pa-pa-pa-pa, tu te fais péter, là, tu recommences tout nu dans la rue, man, c'est tellement frustrant, là. Puis dans le deuxième tableau aussi, à un moment donné, tu te mets à jumper dans les airs. Ouais, ouais. Ça sert à. Tu sais, d'un, ça sert à rien, puis la texture du fond est tellement dégueulasse que tu sais pas c'est quoi qui te fait jumper. Mais sinon, ouais. Whoop, tu jumpes. Là, t'es dans les airs, puis là, ils t'envoient des fucking F-18 en face, tu sais. En plus, il y a des tourettes en bas qui te tirent. Là, mais que tu sois dans les airs ou au sol, ouais. Quand t'es au sol, tu tires les F-18 qui sont dans les airs, ils meurent pareil. Puis quand t'es dans les airs, puis tu tires en avant, tu tues les tourettes au sol pareil. Fait que ta moto, elle monte, elle descend. C'est comme son tirage, lui. Il était il tout, reste le temps tout le temps à même à place. Bonne place, tu sais. Mais ça marche pas partout. Parce que quand il saute aussi, il reste. Il reste sans trop arrêt longtemps dans les airs. Puis il faut que tu te tasses à gauche puis à droite pendant que t'es dans les airs, ouais. Tu sais. Puis là, t'es au bas. Et aussi que je vais atterrir. Oh non, dans le paquet de balles qu'il y a là, tu sais. C'est tellement dur. D'après ce que je vois dans les maps entre les tableaux, je pense qu'il y a 4 tableaux. Moi, je me suis rendu à la moitié du deuxième tableau. Ouais, ouais. Puis j'ai vraiment fait des gros efforts, mais ça va tellement mal. C'est super dur. C'est un jeu fait par Samy. Ouais. Samy, ils ont fait des jeux comme Armageddon, là. Ouais. Puis Ninja Crusader. Ouais. C'est comme c'est des jeux qui ont du potentiel. Mais c'est des jeux pas bien finis, ouais. Je trouve. Ninja Crusader, ben, Ninja Crusader, là, la pochette, la c'est pochette la pire est dégueulasse. Pochette ever, là. Ben oui, les pochettes sont jamais fameuses. Ouais. Ah, Thundercat n'est pas pire. Ouais, mais, pas pire. Mais les jeux ont méga potentiel avec Samy, mais c'est comme s'ils finissaient pas, tu sais. Oh. Puis quand moi, je pensais jouer un peu à Jackal en jouant à ça, ouais. Tu sais, mais c'est comme... C'est comme un héroïnomane, tu sais, qui virerait à brosse, tu sais. C'est comme, tu sais, ça va y faire un feeling, tu sais, mais c'est pas le real deal, là. C'est vraiment ça que ça me fait, là, cet effet, ce jeu-là, là. Donc, écoute, c'est à proscrire. Puis là, présentement, c'est vraiment le pire jeu auquel j'ai joué cette année, tu sais. C'est juste un petit jeu de NES, là. Ah, tu sais, je pense pas que je vais le mettre comme grand gagnant parce qu'on s'en fout un peu de ce jeu-là. Ouais. Mais tu sais, man, quelle marde, là. Sans doute, très déçu de ça. Fait que fuck this game. Fuck this game, mais solide. Ah, mais il y a un mode multi, hein. Ah oui? Oui, ça peut peut-être être... Ben, écoute, tu doubles la confusion. Je sais pas si tu réussis à te rendre plus loin à deux, là. Doubler la course. Mais j'ai pas pu jouer avec personne, donc écoutez, au pire, là, si vous voulez niaiser puis rire, là, achetez ça, 5$, là, mais jamais plus cher que ça, puis vous allez voir que c'est de la merde. Fuck this game. On continue en musique avec Far Away de l'artiste José González. C'est sur la trame sonore de Red Dead Redemption. Mm. D'ailleurs, si vous aimez José González, je vous conseille fortement tous ses albums. Moi, je suis un fan fini. Puis c'est rare qu'on ait des tunes chantées dans les jeux vidéo qui ont de l'allure en plus. Ouais. Step in front of a runaway train, just to feel alive again. Pushing forward through the night, aching chest and worry side. It's so far, so far away. It's so far, so far away. so far, so far away. It's so far, so far. Who are you trying to press? Steadily creating mess. Continuant en jeu, écoute, j'ai rallumé ma 3DS, man. Oui, puis j'ai hâte que tu en bouffes plein de chips. Oui, tout un grain de chips dans la gueule. Ouais. Tu pars ben trop vite entre les cotes, là, ouais. J'ai pas le temps. J'ai trop hâte. Mais non, mais j'ai hâte que tu m'en parles de ça, là. Oui, ouais. Mais j'ai rallumé ma 3DS parce que je vais vous avouer que... n'importe quoi, là. Je veux dire, si E.T. était fait sur Vita, je jouerais probablement parce que j'aime tellement la console. Ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que la PS Vita, je joue en masse. Là, je joue énormément à Mortal Kombat. Mais là, je n'étais pas pour vous parler de Mortal Kombat une deuxième semaine. Fait que je me suis dit, la PS Vita, ça ralentit, c'est slow. Mais allez voir qu'est-ce qui se passe à la 3DS. Yes. Là, j'ai ouvert le store de la 3DS. Je pense pas grand-chose, finalement. Ben, avec l'update, le store a changé lui-même un petit peu aussi, ouais, par le exemple. Store il y a comme a deux changé. Niveaux à ce store. Ben, donc, on double la confusion. C'est exactement ce que j'allais dire. Comme ton jeu, on double la confusion. Il y a juste plus d'affaires. Là. Wow, hey, des jeux qui commencent par un M. Jeu moustachu. Hey, jeu nouveau. Puis là, t'as un ninja qui tient le mot nouveau. C'est n'importe c'est quoi. N'importe ça finit quoi, plus de catégoriser. T'es recatégorisé tout le temps. Là, t'as une pastille que c'est nos sélections. Une autre pastille, c'est comme les mêmes. Jeu. Après un ça, autre, les plus les vendus. Ventre, oui. Après ça, les 5 étoiles. Ouais. Voyons. C'est comme tabarnouche. Je disais n'importe quoi, cette cochonnerie-là. Fait qu'en tout cas, anyway, j'ai quand même trouvé mon compte. Ouais. Parce que j'ai trouvé Colors 3D. Oui. Puis Colors, c'était déjà une application qui était disponible sur iOS. Mais moi, dessiner sur un iPhone, je trouve que ça va mal en tabarnouche parce que t'as pas d'outils pour le faire. Ouais. Tandis que là, c'est la 3DS, t'as le stylet, fait que yes. Je me disais, ça va bien fonctionner avec un stylet, surtout que j'avais déjà joué à Art Academy, que j'avais beaucoup aimé. J'avais critiqué à M. Net sur la DS. J'avais bien aimé ça. Sauf que là, la twist, c'est que dans Color 3D, tu peux avoir une profondeur 3D à tes affaires. Ce qui est super le fun. J'ai fait ma première toile pour tester le jeu qui était Luigi's Vacation. Ouais, ouais. Que t'as mis sur le blog. Ouais, je l'ai mis sur le blog. Puis c'est ça ce que c'est finalement, c'est que tu peux aller dessiner. Tu vas vraiment, t'as comme, on te donne 5 couches pour le 3D. Donc, tu peux aller en profondeur dans ton 3D pour décider sur quelle couche tu vas dessiner. OK. Puis, on t'offre tous les outils, finalement. C'est vraiment, là, tu peux décider de la grosseur de ton trait. Tu peux décider de l'opacité de ton trait, ce qui est très, très, très, très pratique. L'opacité, c'est rare qu'on utilise ça pour faire de la dessin sur le 3DS. Ouais. Pour faire de la transparence, mais aussi des fois pour y aller dans la subtilité, tu sais. Ouais. Des fois, rajouter quand on... du shadow, là. C'est ça, parce que quand on fait de la peinture, des fois, on veut faire un entre-deux, on veut faire un ombrage, puis on va juste faire un smudge, finalement, c'est-à-dire qu'on va comme mélanger les deux couleurs ensemble en passant notre pinceau. C'est pas évident de faire ça sur une console, donc eux autres sont allés avec l'opacité, puis ça fonctionne bien. Okay. Puis en plus de ça, c'est le fun parce qu'on peut zoomer en masse, puis ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans un menu pour zoomer, pour changer, pour utiliser la pipette, pour aller choisir une couleur. On pèse sur la croix, puis on a toutes ces choses-là à portée de la main. Donc, mettons, on pèse à gauche, on a la petite main qui nous permet de draguer notre image comme on veut pour aller travailler certaines places. Okay. Puis on pèse à droite, on a la pipette pour aller choisir une couleur, puis pas être obligé d'aller dans l'interface. Mais l'interface des couleurs est super bien faite. On pèse sur elle, puis on se rend là, c'est le cercle chromatique, ouais, avec un triangle au milieu pour décider si on s'en va plus foncé, plus clair. Puis ça fonctionne vraiment, juste vraiment bien. J'ai été surpris parce que hier, j'ai passé 2h30 là-dessus sur une seule toile. OK. Puis tu sais, tu veux la perfectionner, puis tout ça. Ça va bien. Mon seul hic là-dedans, c'est que comme on est à l'ère du digital, je me dis que ça serait le fun de pouvoir effacer toutes les erreurs que tu fais. T'sais? Puis là, tu peux le faire. Admettons que tu le fais en real time. Genre, tu viens de faire un trait, puis tu fais comme, oups, je veux pas faire ça. Ouais. Mais là, tu peux revenir en arrière. Tu peux revenir sur tes pas. Tu fais des undo. C'est ça, tu peux faire des undo. Puis tu peux en faire en masse. Fait que c'est super cool, ça le fait. Okay. Sauf que si tu as terminé ta peinture, admettons, ouais, puis que là, tu regardes dans tes couches de 3D, puis tu fais comme, c'est la troisième couche, ça, je le mettrais pas finalement. Ben, t'as aucun moyen de revenir puis d'enlever cette portion-là. J'avoue que c'est un peu deep comme détail parce que ça peut être, je veux dire, ton 400e layer. Tu sonnes comme là, un graphiste, toi, là, qui voudrait avoir beaucoup de layers et qu'il y en a graphiste. Juste 5. Exact. Parce que là, on parle, là, c'est tellement comme micro-Photoshop, on c'est dirait. C'est ça, c'est un micro-Photoshop puis aussi, c'est plus près de la peinture qu'autre chose. Je veux dire, faut que tu planifies tes affaires. Mais c'est merveilleux comme logiciel. Ça coûte 7$ sur 3DS. Ce qui est pas mal le maximum, je trouve, qu'on devrait c'est pas mettre mal pour une affaire de même. Sauf c'est que pas un jeu. C'est pas un jeu. Ça, c'est vraiment un outil de création. Puis je trouve que c'est un bon outil de création. Ouais. Il y a une communauté Colors 3D. Quand on fait notre dessin, on peut l'envoyer sur le site de Colors. Puis c'est là qu'il va apparaître. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir un timelapse qui est finalement un accéléré du procédé de création de notre jeu. Ouais, oui. Pas de notre jeu, de notre image. Puis c'est un procédé qui est souvent fait pour les dessinateurs. Vous allez voir beaucoup de dessinateurs digitales enregistrer leurs trucs puis le mettre en timelapse après pour présenter une œuvre. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il l'ait mis là-dessus. Puis écoute, il y a des gens qui font des affaires hallucinantes. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très modeste là, côté dessin. Je suis un dessinateur correct. Je suis pas un dieu. Ben, t'as beaucoup plus de talent que la plupart du monde. Non, j'ai peut-être plus de talent. T'es pas un professionnel. Non, c'est ça. Je suis pas un professionnel. Je pense à des artistes, admettons, montréalais comme Johnny Crapp, qui sont des dieux du dessin et de la peinture pour moi. Puis, admettons, Mecha aussi. Mecha Zombie Corp. Excellent, que je suis sur Twitter. Vraiment des artistes puissant. Moi, je fais ça pour mon plaisir. Puis, bref, t'as vraiment beaucoup d'outils qui t'aident à faire ça. Par contre, pour ce qui est du partage Je trouve que c'est limité un peu parce que tu peux juste partager avec la communauté de Colors 3D. Tu peux sauver ton œuvre sur ta 3DS, puis après ça, aller la partager en photo. Mm-hmm. Mais c'est juste que je trouve que ça aurait été le fun que tu puisses juste sélectionner, genre envoyer à mes amis, tu sais. Ouais. Juste l'envoyer à tes amis, admettons, par passe-lettre ou je sais pas trop. Là. Ouais. Tellement drôle ce soit, nom-là. Passe-lettre. Passe-lettre. Ça sonne bizarre dans la tête de tout ça le monde. Ça sonne vraiment bizarre. Mais en tout cas, tu sais, je trouve qu'il y aurait dû avoir plus d'options de partage, même Twitter, Facebook. Ouais, ouais. Je dis, ça devrait être dans tous les logiciels maintenant quand tu fais des logiciels de création. Mais là, tu l'as sorti parce que tu l'as mis sur notre blog. Oui, je l'ai mis sur notre blog. Une fois qu'il est rendu sur le blog, tu peux l'envoyer ailleurs. Il est rendu sur le blog à cause que je l'ai mis sur le site de Colors. OK, OK. Fait qu'il faut absolument... Il nous oblige à passer par le site de Colors. Exactement. C'est pour qu'il y ait plus de trafic sur le site de Colors, puis aussi pour avoir accès au fameux timelapse. Mm-hmm. Sauf que quand tu vois tes affaires sur le site de Colors, tu vois pas le 3D. Tu vois juste ton dessin en finale. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de voir ton dessin en 3D. C'est vraiment trippant. Puis j'ai pensé à plein d'affaires que je pourrais faire avec un effet 3D. Puis c'est vraiment cool. Puis aller voir ce que la communauté fait, là, c'est vraiment hallucinant. Là. Il y a des artistes qui font des trucs, là, je me dis que... OK, il a passé 5 heures là-dessus, littéralement, là, à faire ses affaires. Même affaire pour Flipnote qu'il y avait sur DS. Il y a des trucs de génie là-dessus, ouais. Là, vraiment. Là. C'est le fun. Les outils de création sur 3DS, sur DS, sont vraiment bons. Contrairement à la Vita. Il y en a-tu sur Vita? Il y en a un. Ils ont sorti un outil pour faire de la peinture, puis c'est vraiment de la merde. OK. Puis, tu sais, c'est pas juste à cause que t'as pas un stylet. C'est juste à cause que c'est pas super bien fait. Mm-hmm. Faut vraiment que tu sois motivé pour faire quelque chose avec ça, parce que l'interface est pas intuitive. C'est pas aussi facile que ça. Tandis qu'avec Color, j'avais l'impression d'utiliser une tablette graphique, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'était plus proche de ça. C'est plus une approche... graphiste, dessinateur, qu'une approche, on va donner ça à monsieur, madame, tout le monde, puis il s'arrangera que c'est trop. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'aller chercher ça quand même, c'est 7$, puis c'est vraiment c'est un bon investissement. Vous allez avoir bien du fun. Yeah! Alors, dans un épisode précédent, on a parlé de Rhythm Heaven Fever, oui. Pour la Wii. Moi, ça m'a donné le goût, parce que ce jeu-là, en fait, c'est toi qui l'as chez vous. Oui. Puis, donc, moi, je me suis pogné Rhythm Heaven au DS, oui. Dans le fond, qui est l'original. Oui. Il y en a juste deux, puis ça, c'est le premier. Exact. Donc, le plus hardcore. Ouais. Ben, il se vend à peu près 40$ ça, au magasin. Ça, je sais pas, ça doit se vendre neuf encore. Il se vend pas mal encore neuf. Mais je l'ai jamais vu dans les magasins, par exemple. Je l'ai acheté usagé. Là. Ben, il est quand même tough à trouver maintenant, ouais, hein. Là, parce que c'est un jeu qui était super populaire à sa sortie, mais pour les hardcore gamers, imagine... Ils ont même essayé de faire vendre le jeu en faisant jouer Beyoncé. Il y avait une pub avec Beyoncé qui jouait à Rhythm Heaven puis qui tripait, tu sais. Mais tu vois, je savais pas ça. Ouais, mais c'est un jeu qui est rough, c'est un jeu qui donne. Il est dur, il est dur. Donne pas de chance. Ah ouais, c'est ça. C'est un jeu de rythme dans le fond. Si vous avez pas écouté l'autre épisode, puis c'est des petits épisodes de musique, de rythme qu'il faut que tu suives avec ton stylet, soit en picossant ton écran ou en glissant, en faisant un swish avec ton stylet. Ouais, c'est ça, là, tu piques puis tu swish après. Ouais, c'est ça. Puis écoute, là, dans le fond, t'as 4 événements musicaux, puis après t'as un remix. Mm-hmm. Puis le remix, lui, il mélange ces 4 événements-là. Ouais. Donc là, moi, j'ai un board. J'ai une série, deux séries, trois séries. Fait que ça m'en fait 3 fois 4, 12. Oui. Après ça, il y a un autre board qui se unlock. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah là, il y en a 15 dans lui. J'avais pas vu ça. Il y en a pas mal. Là, Puis après ça, il y en a-tu d'autres? T'es-tu déjà rendu plus loin? Oui, il y en a d'autres. Un autre board encore? Oui. Hey man, c'est gigantesque. Non, ce c'est vraiment un gros jeu là. C'est vraiment gros. Moi, je suis rendu au deuxième board. Là, des petits fantômes qui jouent de la guitare. Là. Oui. Puis, mais. J'en ai eu des imperfect. Ouais. Puis j'ai eu des mentions, des bonnes c'est mentions. Tough mais avoir des habituellement. Perfect, c'est tout le temps comme OK, tu sais. C'est tout le temps OK. C'est ça, parce que quand tu finis, t'es nerveux, là. T'en as manqué 2-3. T'es comme. T'attends ton score, puis ils vont-tu me laisser passer au prochain? Long. Puis souvent, ils disent. OK, tu peux passer. C'est correct. Mais c'est toujours ça, ou presque, là, tu sais. Mais écoute, en même temps, tant mieux que ça soit pas si facile, parce que c'est le fun de jouer, de se pratiquer, de retourner. Là, je suis rendu loin, ça va bien vite. Ouais, totalement. Puis, mais je reviens faire les premiers, tu sais, là, je suis plus à l'aise, tu sais, ça fait que c'est un jeu qui est de même, là. Ouais. Tu pousses, t'as de la misère à avancer, après ça, tu vas par en arrière, te refaire un peu d'un tableau facile, tu sais, débarrer des médailles, débarrer des choses, après ça, tu reviens te réessayer. Parce que des fois... ça marche pas ton affaire. Là, non, c'est ça. Tu fermes ça, puis comme une couple d'heures plus tard, tu reviens, puis là, whoop, on dirait que t'es plus dans le beat. Là, c'est t'sais. Ça. Mais c'est dur, ces beats-là aussi. Ils sont tous différents. Ils ont tous des gimmicks. T'sais, c'est n'importe quoi. Là. Des fantômes qui jouent de la git, du scratch de DJ, du monde qui se lance des éprouvettes dans un laboratoire d'amour, des canards militaires qui picossent le plancher. Ouais. Mais moi, ce qui est drôle, là, c'est que ce jeu-là, quand j'ai joué à ça, là, ce que je faisais souvent, c'est que... Tu fermais les yeux. Je me fermais les yeux. Moi, avec, des fois... Je me fermais les yeux, puis je mettais la musique dans le tapis, puis je suivais le beat avec mon stylet, mais sur le côté du... Ouais. Sur le côté de la DS, je tapais sur la DS, puis après ça, j'allais dans mon écran, parce que à un moment donné, c'est ça, les images... Des fois, les images aident, je trouve, mais des fois, ils t'aident pas, des fois, ils te nuisent complètement. Oui, complètement. Puis c'est ça qui est bizarre là-dedans. Puis je sais pas, ils sont très intelligents à avoir trouvé des façons de faire ça. Que des fois, t'as besoin de l'image, des fois, c'est le groove que t'as dans la tête. Tu pourrais même pas avoir d'image, tu sais. Non, c'est ça. Ce qui fait que chaque épisode est quand même très unique, là, dans le fond. Des fois, faut que tu gardes ton stylet enfoncé, puis c'est quand tu le lâches qu'il se passe quelque chose, puis là, faut que tu le remettes, tu sais. Vraiment, ils te font faire plein d'affaires, là. Puis c'est ultra sympathique, tu sais. C'est vraiment beau. Les petites animations. Mais tu sais, c'est. On dirait un jeu flash un peu. C'est très japonais, puis c'est ça, c'est du 2D. C'est 2D, flat, là, dessiné par des enfants un peu, là, tu sais, flat, là, mais sloppy un peu des fois. Mais c'est ça qui est cool, là, dans le fond. Puis toutes les musiques sont. C'est la bonne petite musique, là, tu sais, ça a du groove, puis c'est vraiment super le fun de jouer à ça. Ouais. C'est le fun d'avoir ça, un jeu de rythme comme ça, pour faire changement de temps en temps, puis pour se changer les idées. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Il y a une option aussi quand tu veux pas... Ben, tu joues, mais t'as aussi... Tu peux aller au café, jaser avec le gars, jouer à d'autres jeux qui sont comme à l'infini. Là. Ouais, mais c'est des mini-jeux à l'infini, puis tu peux aussi débarrer de la musique, des petites affaires comme ça dans le café. Ben, je trouvais que c'est intéressant, mais c'est ça, tu t'en fous. Moi, je vais jamais là-dedans. Là, c'est surtout ça que tu veux, là, les jeux principaux. Ben oui, c'est ça, tu veux les battre un par un, là, puis les refaire, là, dans le fond. Donc, non, il y en a qui m'ont... Ben, c'est pas... Il y en a plusieurs que j'ai passé du premier coup. Ouais. Sinon, des fois, t'es comme tellement fucké. Quand ils font tout le temps une petite pratique au début avant de faire le vrai événement. Oui. Puis là, dans la pratique, c'est là que tu comprends un peu c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Exact. Là, quel moment faut que tu pointes ton stylet, quel moment faut que tu glisses. Mais des fois, là, je comprenais pas là, où est-ce qu'il fallait que je pique. T'sais, j'étais comme, voyons, Chris, ça va où là, le son? Là, t'sais, j'étais tellement mélangé. Puis moi, après c'est ça... la seule affaire. Des fois, j'aurais aimé ça qui montre le mouvement en même temps que ça se passe. Parce qu'eux autres, ils font juste comme, tu sais, non, tu l'as pas, mais ils te montrent pas, mettons, je tape là. Ce qui fait qu'il faut que tu recommences la pratique beaucoup, fois, pour bien comprendre, ah, OK, c'est là qu'il faut que je tape, là, tu sais. C'est ça, j'ai trouvé ça un peu fâcheux, mais franchement, parce que juste de, même quand tu le sais, c'est dur. Pourquoi pas donner au moins cet indice-là qui va t'aider à avancer un petit peu plus, là? Mais des fois, j'arrive, même... La toune est là, mais je suis tellement pas dedans, on dirait. Ouais. On dirait que c'est pas sur le bon temps qu'ils te font jouer, là, tu sais. Oh, on dirait que des fois, je suis comme, ah, c'est là que ça devrait y aller, pas dans le temps qu'ils disent, tu sais. Je suis comme, ah, c'est, mais là, ils font fois, tout ça rien pour me 4, faire 4, chier 3, ou parce 4, que c'est 1, mal 4. Fait, là, tu sais. En tout cas, c'est un peu tordu, là. Ah, mais... puis, ils font exprès, là. Des fois, c'est des triolets, des fois, t'es direct sur la note, des fois, tu sais, c'est. Ils changent vraiment tout le temps, là. Ouais. Mais c'est ça la difficulté du jeu. C'est très difficile, mais en même temps, c'est très sympathique. C'est totalement fascinant comme jeu de rythme. Moi, je recommande ça à tout le monde. C'est très, très, très agréable. Version DS et version Wii. Yes. C'est très cool. des super bons jeux. Ça va revenir, ça. C'est pas. Il va en avoir un sur la Wii U, c'est sûr. C'est puis sûr, ça va continuer. Là. RetroNouveau.ca. Moi, cette semaine, sur le site, j'ai mis une vidéo. J'ai mis la première bande-annonce de Derek de Deadfin. Qui est un jeu exclusif à la PS3. Okay. C'est un artiste qui a tout fait, le graphisme du jeu, le look du jeu. Ça a tout été fait à la main. Ça a tout été fait en papier construction. Ah ouais. Ah, OK. Oui. Puis c'est toutes les. Il y a des trucs, c'est ça, là, le monde pourrait dire, OK, c'est flat comme South Park. Non, pas du tout. C'est vraiment des personnages en 3D, mais faits avec du papier construction. Wow. Fait qu'on dirait vraiment qu'on joue à un film en papier construction. Ça n'a pas l'air d'un jeu en 3D pantoute. Parce que toutes les affaires ont été faites, puis ont été, j'imagine, prises en photo, puis c'est ça qui bouge. Puis quand une animation est faite de façon traditionnelle. C'est vraiment super sharp, c'est super beau. T'es comme un espèce de petit dauphin. Okay. Puis tu te promènes, puis c'est comme un genre de platformer. Là. Ça pourrait faire penser à Echo the Dolphin, vu que c'est un dauphin. Okay. Mais c'est ça, c'est un petit dauphin qui avance, puis ça a l'air bien sympathique, là, un petit platformer. Fait que c'est ça, allez voir la bande-annonce, c'est vraiment écœurant. Nice. Ben moi... excuse-moi, tout dans ma page. j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Excalibur. Ben, Excalibur. Non, c'est X Tradignon Calibre 2097. C'est bientôt ça, 2097. Ouais. Ça fait rire pareil. Puis c'est ça, j'ai acheté ça au Pawn Shop. Il était juste 5$, mais on dirait que quelqu'un avait dégueulé dessus, là, puis ça avait séché. Je te jure, c'était horrible, là, toute la note qu'il y avait là-dessus. Puis c'est ça, dans la section acquisition, je l'ai mis, là. J'ai fait un avant-après, parce que je l'ai nettoyé. Alright. Puis ce jeu-là, moi, j'avais vu ça dans Nintendo Power. Je trouvais que ça va être like, cool, parce que le gars, il avait... C'était comme futuriste cyberpunk, tu sais, mais le gars, il avait une épée, là, puis c'était comme Excalibur, mais version moderne, Excalibur, tu sais. Je trouvais trop ça hot, là. Mais là, c'est ça, je me rappelais plus vraiment, j'avais pas vraiment joué. Puis là, en enlevant toute la crasse sur l'étiquette, j'ai découvert c'est qui avait fait ça. C'est Activision, là, je me suis dit... Okay. Les jeux d'Activision là, au Super NES puis au NES, là, c'est pas si hot que ça. Là. Fait que j'ai joué un petit peu, pas assez pour vous dire si ça vaut la peine ou pas, mais à venir jusqu'à date, je suis pas ébloui. C'est moyen. Mais c'est le nettoyage. Je veux juste passer vite là-dessus. Il y avait des étiquettes de clubs vidéo qui sont comme en argent, tu sais, comme argenté. Ouais, ouais. Quand tu les enlèves, ça laisse une marque, sa cassette. C'est là. Vrai. Mais j'ai trouvé comment faire. Dans le fond, pas de produit ni rien. Tu frottes avec ton doigt. Ça, ça a fini par chauffer. Genre, la friction finit par comme faire ramollir les résidus, puis ça se roule en boule, puis ça s'enlève. Fait que j'ai presque tout nettoyé la cassette juste avec mon pouce. Okay. Donc ça, c'est fantastique. Puis pour le reste, la crasse comme orange-jaune qui a l'air d'avoir pénétré dans le plastique. Là. Ouais. Ça, je suis pas capable de l'enlever. C'est dedans. Là. Mais je l'ai pas essayé parce que j'en ai pas, mais on m'a dit, plusieurs d'entre vous m'avaient dit d'essayer un effaceur magique de Monsieur Net. Ben, ça efface bien des affaires. Ça a l'air d'effacer bien des affaires, ça. Hein? Fait que, écoute, je vais aller en acheter. Je vais en acheter à l'épicerie là, cette semaine, quelque chose, puis je vais essayer ça, mais je suis très curieux de voir. Ça serait vraiment cool. La discussion. Oh, il commence. Alors, Bruno vient de me faire remarquer que je dis toujours « alors ». Je m'en étais pas rendu compte partout. Alors, la discussion alors, la du jour. La discussion d'aujourd'hui, les accidents de gamers. Oui, les accidents de gamers. C'est quelque chose qui arrive... fréquemment. Apparemment, oui. Ouais. En tout cas, moi, j'en ai pas ben. Là. Mais c'est ça, toi, quand je t'ai parlé de ça, j'ai fait comme, voyons, non, on parlera c'est pas. Ça. De... ça va durer 2 secondes, c'est rien ça. À dire là-dessus. Pendant, ben, moi, j'étais un gars comme, au lieu de me défouler sur le gear, je me défoule sur moi-même, tu sais. Ouais. Je prends ma main puis je me tape sur la cuisse, je suis comme, non! Ben, genre, je me mords le gras de l'index. C'est là, utile, ici, là, je suis comme, okay. Ah, je me défoule plus sur mon corps, tu sais, ou je gueule ou whatever. Mais jamais que j'ai pris de quoi, je l'ai flanqué dans le mur, là, tu sais, parce que j'aime mes objets. Moi, ça a commencé plus quand j'étais plus jeune. Je t'avoue que j'avais surtout ma NES Max. Ouais, là, je te comprends de sacrer ça dans le mur, c'est une cochonnerie, là. Je sais, t'as hissé ça, mais moi, je l'aimais bien, ma NES Max. OK, là. Puis... j'avais ma NES Max, puis ma NES Max, elle a une tonne de marques dedans. Dedans? Oui. Dedans, la manette, il y a des dents. Il y a des crocs. Parce que ça a été comme fait en boomerang, tu sais. Comme une manette de PlayStation, ça un peu. Ça se mordait bien. Ouais, c'était comme une DualShock, mais dans le temps qu'il n'y avait pas d'Internet. Hey, moi, j'ai mordu, man, mes bras de manette d'Atari, tu sais. Une manette d'Atari, c'est comme un bras en caoutchouc. Oui. Ça se mordait bien, ça. C'est vrai, ça. Avec mes palettes en avant, là, dans mes petites palettes d'enfant, là. Ça y allait au toast, d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est une manette... ça, fait que tu veux, t'as quand même déjà été agressif avec ton gear. Puis j'ai encore une manette de NES ici, mordue, dans le fond, qui est la même que j'avais quand j'étais jeune. Elle est rendue toute jaune, usée, là. Mais sur le côté, il y a des traces dedans. Ça, c'était en jouant à Castlevania. Là, je devais être rendu, genre, ultra loin, puis je suis mort, puis là, fallait que je recommence. Ah non! Fait que ouais, j'ai mordu ma manette de NES une fois. Et ma sœur aussi, une fois, a renversé de l'orangeade sur ce même Castlevania 3. Donc, c'est pas mal les seuls accidents que je me rappelle. C'est quand même que tu parles d'orangeade, parce que moi, quand j'étais jeune, il y a un de mes chums qui a échappé une manette NES dans un verre d'orangeade. Ça, c'est vraiment un moment classique, là. C'est ça, c'était... Lui, il jouait... C'était à quoi, donc? Je me souviens plus à quoi on jouait, mais il jouait, là, puis il était comme « Oh, je t'en ai, tu sais! » Puis il pitch sa manette pour la pitcher ça à table, ouais. Mais elle tombe dans l'espèce de gros giga vert d'orangeade. Quand on était petit, on avait des gros... Vous autres, vous avez des gros... Tu sais, ça se pognait dans les stations-service, là, puis des McDonald's, là, t'avais des verres de Star Wars, des trucs de même. Ah oui. Des petits verres en plastique le blanc. Le print cheap, dessus était comme fait. T'es comme pas certain. Ouais, là, c'est là, ça. Il était comme décalé couleurs étaient off. Les plaques bougeaient toujours. Mais les kids prenaient tout ça. Fait que là, lui, il a pitché sa manette, elle est tombée dans le verre, puis le verre est tombé. Fait que pas seulement la manette, il y a eu un dégât d'orangeade. Mais la manette est restée intacte. Oui, ça marchait. La manette de NES est restée intacte. Puis ça prouve aussi la qualité des manettes de NES, parce que moi, à un moment donné, j'étais vraiment fâché. Je jouais à Cabal. Oui. Puis, j'ai jamais avec joué ma manette, ben, moi, je jouais à Cabal. Puis Cabal, c'était vraiment... Cabal, c'était un jeu comme... C'était comme un first-person shooter, si on pourrait dire. C'était un jeu de tir. Ouais. Mais là, avec la manette NES, ça allait super mal. Puis moi, j'avais loué ça. Puis je me souviens très bien, comme si c'était hier, d'avoir pogné ma manette de NES comme un bâton, puis de piocher sa table de mon salon en bas dans ma cave, puis d'avoir fait plein de petits trous dans ma table de salon en bas. Puis là, quand je m'en suis aperçu, j'ai fait comme « Oh, merde, là, genre, ma mère va me chicaner, je capotais, t'sais. » C'est le pire feeling au monde, genre, tu te défoules, tu fais une action, puis là, tu te rends compte que ton action a comme foutu de quoi, t'es comme « Ah, shit! » C'est comme défoulement, puis après ça, shame tout de suite. C'est ça. C'est pas un bon mélange. T'as pas une bonne récompense. Tu veux te défouler, puis être tranquille, après ça, pas à te sentir... C'est juste la honte, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, mais ce qui est incroyable, c'est que la manette était pas, avait rien, là. Tu sais, j'ai fait ça dans une table avec, puis elle avait rien. Puis, moi, je voulais parler aussi du fait que quand j'étais jeune, puis là, ça, c'est la NES, l'accident de gamer le plus épique que je vais avoir eu de toute ma vie, puis c'est impossible que rien dépasse ça, jamais. J'avais un chum qui s'appelait Alain. Qui était vraiment. Il n'a pas été tremblant, lui, d'ailleurs. Non, c'est pas Alain. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même Alain. Okay. C'est un autre Alain auquel je parle plus. Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Puis le gars, c'était. Il avait le sang italien, tu sais. Puis il était. Il avait le sang chaud. Il était chaud, hein. Moi, toutes les fois que j'allais jouer chez eux, je me disais tout le temps comme ah, fuck, il va encore pogner les nerfs. C'était tout le temps un gars, ça accroche, tu sais. Ouais. Puis on jouait à Battletoad. Ah, oh, ben là. Un après l'autre. Ouais. Tu sais, le fameux bout où tu t'es avec ta moto, ton espèce de moto qui vogue dans les airs, tu sais, puis fait comme punk punk mur, punk mur, punk punk mur, un des bouts les plus durs de l'histoire du NES. Super tough. Il y a même, je me souviens plus c'est quoi son nom, je pense Kevin Cormack, je sais pas trop, le gars qui fait des illustrations animées. Il en a fait une sur Battletoad qu'on a mis sur le blog parce qu'elle représente tellement bien la situation. Puis ça faisait super souvent qu'on le faisait. Puis à Battletoad, à un moment donné, tu mourais, puis c'était fini, tu sais. Oui, t'avais pas. Puis là, lui, il essayait, puis même à ce moment-là, il voulait pas me donner la manette. Puis son NES, avec ses manettes, lui, il pluguait ça sur une TV. Il y avait un petit meuble vraiment cheap. Puis là, le NES, il y avait pas de place en dessous de la TV, fait qu'il était littéralement à terre avec les manettes. Fait que là, il réussit pas. Il est comme... Il réussit pas. Oh, t'as pas route! Tu sais, puis il capotait, puis il pognait les nerfs. Moi, j'étais à côté, je n'avais quasiment peur. Puis un moment donné, il fait game over. Quand... Ah! Il pogne sa NES, puis elle pitch dans le mur, là. Un malade! Fait une grosse pog dans le mur, tu sais. Puis la NES, elle ouvre la porte cassette dessus, tombe. Elle a lâché. Ah, okay. La cassette est restée dedans, tu sais. Okay, mais okay. Elle a comme levé, mais elle est restée dedans. Puis la porte du dessus a ouvert, tu sais. Puis là, lui, après ça, justement, comme tu dis, la honte, il capotait, comme, qu'est-ce que je viens de faire? Puis, tu sais, il y avait la grosse poque dans le mur. Moi, je bougeais pas. J'étais assis en indien à côté avec mon jus. Sa mère, sa mère, elle arrive à la course. Qu'est-ce que je pense? Manger une volée. Tu sais, puis sa mère était pas là à l'instant, okay, okay. Tu sais. Fait que je dis, il va manger une claque quand elle va arriver. Puis là, c'est ça, tu sais, lui, après ça, il capotait, là, il est reparti son S. Comme de fait, le petit logo de Battle Toad d'arrive, tout est nickel. Aucun t'sais. Problème, il s'est rien passé là. On dirait qu'à la limite, même, ça l'a encore plus frustré que le jeu marche encore. C'est comme « Ah! J'ai pas eu raison de lui, tu sais. » C'est clair. Mais quand tu cas, tu sais, puis moi, si je parle de moi, le seul accident terrible que j'ai eu, le seul accident de gamer terrible que j'ai eu, c'est en jouant à Metal Gear Solid sur le PlayStation 1. Ouais. J'ai joué à Metal Gear Solid, je l'ai fait en une run, qui a été épouvantable. J'en ai déjà parlé à Rétro Nouveau. Puis là, t'as oublié d'aller aux toilettes. Non, non, non. Ça pourrait être ça. Ben, j'avais ma bouffe, j'allais aux toilettes une fois de temps en temps, mais je dormais pas. T'sais, je l'ai vraiment straight. Puis, un moment donné, je mourais sans arrêt. Je pense que c'était, je me souviens, je pense que c'était la fille, la sniper. Ça doit pas être elle. En tout cas, à un boss, pis c'était peut-être à Psycho Mantis parce que j'ai pas catché tout de suite le truc des deux manettes. Ouais. T'sais. Puis j'étais en tabarnak, là. Puis à un moment donné, j'ai pogné ma DualShock. Puis j'étais, tu sais, j'étais dans ma tête, j'étais comme crolique de tableau. Puis je pliais la manette. Ouais, on a envie des fois. Là, j'appliais. Puis je l'ai craqué. Fait que j'ai pété une DualShock. OK. À cause de ça. Mais c'était juste comme la couverture, le casing qui était pété. OK. L'intérieur était encore intact. Puis il fonctionnait bien. Puis malheureusement, tu sais, je veux dire, ça servait pas à rien, cette manette-là. Fait que, tu sais, je n'ai pogné un autre, puis that's it, là. Ben, elle marchait pareil. C'est ouais, elle fonctionnait pareil. C'est juste qu'elle était comme toute craquée, dégueulasse. Il fallait que je mette du tape autour, tu sais. Fait que c'était... C'est moins le fun. C'était pas terrible, ouais. Là. Genre, finalement, c'est un de mes colocs qui l'a pris, puis lui, il l'a gardé, puis je me n'ai pogné un autre, tu sais. Mais c'est le plus gros accident qui m'est arrivé, genre, par ma faute, mais... Sinon, il n'y a rien qui peut battre mon chum qui a pitché sa NES dans le mur. Là, je revivrais ce moment-là n'importe quand. Il ben, y a tout le temps le classique aussi, la personne qui passe devant la TV ou whatever, qui s'enferge dans les hosties de fil. Ou genre quelqu'un genre qui kick sur sa manette parce qu'elle est comme « Wow! » Puis là, tu sais, tu donnes un coup... Mettons, ta sœur essaye de jouer à quelque chose, genre, pis niam, niam, pis là, bon, ça, ouais, fait, ça. Ça tire la console, pis elle sac le cœur à terre. Oui. Pis il y a plein de monde aussi qui ont eu des accidents de Wii, pis des accidents de Kinect, tu sais, c'est... Fait que c'est justement, on vous a demandé votre opinion. Puis vous en avez beaucoup, là. Hey, la réponse est forte, mon gars, fait que vas-y avec Facebook, je vais y aller avec Twitter. Avec Facebook, il y en a pas mal. Je vais commencer avec Damien Boudreau. J'ai récemment brisé ma souris de PC d'une valeur de 70$ en rageant pendant une partie de League of Legends. J'ai frappé un peu trop fort avec sur mon bureau d'ordinateur et elle ne fonctionnait plus à la suite. Mais sinon, j'ai habituellement un bon self-control. Ça, moi, avec les souris là, d'ordinateur, des fois, là, j'ai comme tendance à faire clac, clac, clac, clac, clac. Tu sais, t'es dans un logiciel où ça plante ou whatever. Je suis comme non, toc, toc, toc, toc. C'est tellement le fun de slammer une souris. C'est vraiment le fun de slammer une souris. Moi, j'ai pogné, il y a Steve Tremblay sur Twitter de Game Focus qui dit « Seulement ma manette de NES en 1988 en jouant un contrat avant de connaître le truc des 30 vies. » Ouais, c'est puis à Ninja Gaiden 2, à Ninja Gaiden, où je comprends, là, c'est tellement rushé. Même là. Encore à Ninja Gaiden 1. Dans Ninja Gaiden 1, il y a un passage, je me rappelle plus exactement si c'est le 7-6 ou le 10-3, whatever, là, mais précisément, il y en a un qui est comme renommé pour être aussi dur que Battletoads. Dans ce qui se fait mais c'est parce que aussi là, la toune de Ninja Gaiden quand tu crèves elle te nargue. Ah ouais, c'est clair. Ça fait comme tu t'es trompé maintenant t'es mort, c'est vraiment comme parce que souvent quand tu te pognais justement des espèces d'affaires que t'as un gros trou en bas puis que t'as un aigle qui respawn tout le temps puis que tu tombes en bas. C'est tellement frustrant, là. Mais ça, après ça, ils l'ont mis juste dans le continu, tu sais, la tune. Ouais. Pas à chaque fois que tu meurs comme ça. Ça faisait la place. Ouais. Ça allait vite comme ça. C'était hey, moins tant gossant. Mieux parce ils ont bien compris. Gossant, là. Mathieu Lamort sur Facebook dit « Moi et mon coloc, dans le temps, on avait tout trouvé les étoiles à Super Mario Sunshine et Dieu qu'on était fiers. Je peux pas dire le nombre exact, mais bon. Et bref, un jour, mon petit cousin voulait jouer à Super Mario Sunshine. Ça me tentait pas full, mais pour pas faire de chicane, je l'ai laissé jouer. La première chose que mon petit cousin a fait, c'est d'effacer ma calice de game avec toutes les étoiles. C'est probablement la chose qui m'a fait le plus mal dans ma vie de gamer. J'ai encore des larmes aux yeux, il y a qu'à y penser. Malade. Bon, on va jouer à ça. Cling! Efface la game. C'est chiant. On sympathise avec tout, mon gars. Oui, il y a Fred Lalonde sur Twitter qui dit « En fait, pas moi, mais ma sœur, oui. Elle a brisé ma PS2 en tirant sur la manette avec fil. Voilà. Et la console a tombé du meuble. » Ben, c'est ça, les maudits fils. On est content que ça là-dedans. Soit plus là. J'ai Maxime Duguay qui dit « Mon père a brisé 4 manettes de PlayStation 2. » C'est tout. Ouch. Moi, il y a Jacques Germain qui dit « Jamais par rage, j'ai jamais brisé quelque chose par rage, mais plutôt mes enfants de 2 et 3 ans. » Puis il nous a envoyé une image sur Twitter, puis il tient une manette d'Xbox, puis il y a tous les pitons de couleur dans les mains. Puis la manette est juste comme... pété, il n'y a plus rien, là. Tu sais, tu vois même le motherboard, fait que les enfants, ça fait des ravages. C'est clair. Max Tremblay de l'Épée légendaire dit « En 1994, ma partie de Stanley Cup au Super NES a planté et s'est complètement effacée durant la finale de la Coupe Stanley. J'ai défoncé un mur d'un coup de poing. Mes parties de NHL se terminaient souvent comme ça. La dernière fois... il y a 2 ans, j'ai envoyé promener ma manette fétiche de PlayStation 3 au bout de la pièce. Ses boutons se sont tous déplacés. J'ai donc dû ouvrir la manette et réparer le tout. Elle est comme neuve aujourd'hui. Bref, je suis pas fier de tout ça. Je suis assez compulsif, mais j'essaie de me contrôler maintenant. Je vieillis. Quand t'as dit « j'ai envoyé promener ma manette », je pensais qu'il disait « va chier manette, va chier ». Il parle aux hommes jeunes même. Va chier manette, tout est de ta faute. Hey, ben, je pense que c'est la première fois que j'entends que quelqu'un a joué à NHL Stanley Cup. Là, eh oui! Que c'est mauvais, ça. Ah, moi, j'ai jamais réussi à aimer ça. Ah non, moi non plus, mais moi, c'est pas mon fort. Il y a Daniel Vaillancourt de Fun Jouer Jeu qui dit « Ma mère m'a déjà arraché ma manette de PS2 alors que je jouais à FFX à Final Fantasy X. Finalement, c'était un jeu de merde, fait que je la remercie. » C'était écœurant, ça. Carl Robert nous dit « Je pense qu'une des seules fois que j'ai pitché une manette, c'est en jouant à Dragon's Lair au Sega CD. Ah, sinon, si un jeu me frustre trop, ben je passe à un autre. Ouais, » Dragon's Lair, fuck, hein? Hey, Dragon's Lair, c'était chirurgical d'aplomb, il me semble. Ben raide. Précis, il fallait que tu recommences, puis que tu essaies, puis ah, oh boy. Puis on donnait pas vraiment d'indices dans le temps. Non, aucun comme, fucking indice. Essaye de le trouver, puis si tu le manques, ben on te remet 15 minutes plus tôt dans le film. C'était dégueulasse. Il y a Jonathan sur Twitter, qui dans le fond, c'est Renko, @Renko, qui dit « Une durant Demon's Souls et une durant Dark Souls. Je joue plus à ces jeux. » Les manettes de PS3 sont trop fragiles. Qui détruit toutes ces manettes. Colin. Patrick Sans Souci, la première Game Boy, la grosse grise en noir et blanc, a visité tous les murs de ma chambre quand j'étais jeune et elle était incassable. C'est vrai. Mais on a même vu, il y en a une sur internet là, qu'on voit souvent passer là, qui a survécu à une bombe atomique ou je sais pas quoi, elle est tout à moitié fondue dans le musée Nintendo. Dans le Nintendo Store à New York. Puis c'était une Game Boy de la guerre du Golfe. Ok, c'est ça. Puis elle est vraiment détruite, puis elle fonctionne encore. Ouais, c'est fait malade. C'est quand même cool, ils font leurs affaires solides. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis là dans le fond. Là, c'est comme, hey, check ça, comme très symbolique. Stock est solide. Il y a Patrick Silverwolf qui dit « Oui, et le jeu, c'était Metal Gear Solid pendant l'inversion des contrôles durant un combat de boxe. Hein, » tu veux? « Prendre la manette par le fil et m'en servir comme un fléau d'armes sur le sol. » Tabarnak. Décolle. Le gars, il prend le temps de se préparer, tu sais. C'est pas « Ok, là, je vais pogner le fil. Et là, je vais la faire tourner puis je vais la slammer à terre comme un chevalier. » Méthodique, là. David Dandurand. Moi, je suis du genre assez serein quand je joue à des jeux, mais après être tombé 30 000 fois en bas du stage final du mode Story de F-Zero GX, J'ai tellement lancé ma manette fort par terre que Captain Falcon lui-même a dû sentir ma fureur. Heureusement que les manettes du GameCube sont solides. Paraît que c'était dur, ça. Ah, je savais pas qu'ils étaient solides aussi, les manettes du GameCube. Oui, mais je veux dire... Mais F-Zero, F-Zero, oui, c'était tough. GX, il était rushant, à ce qui paraît. C'était très tough, mais ça va tellement vite en plus de ça, là, que... D'ailleurs, F-Zero, ils l'ont pas ramené encore, là. Non, ouais, il serait dû. Faudrait, ils l'ont mis dans Super Smash Bros. Il y a Jean-François Cron, notre caméraman et troisième membre de Rétro Nouveau, qui dit « J'ai déjà défoncé une lumière au plafond en jouant au tennis à la Wii avec la raquette en plastique. Ça a éclaté en morceaux. » Ouais, il nous a même dit ça. Tantôt tout le monde avait de la vitre dans les cheveux, puis les batteries ont volé à côté de la télé, puis il y avait de la vitre partout, tu sais. T'es obligé d'aller dans la douche. Non, ça, c'est moi qui le rajoute, là, mais quand même, ça t'a scrappé le soir. Mais ça, tu sais, t'as du fun, puis là, tout d'un coup, tout le monde a de la vitre sur eux autres. Louis-Philippe Veilleux, j'ai planté un tournevis dans l'écran de ma vieille TV en jouant à Zelda Majora's Mask. J'arrêtais pas de mourir au premier boss. Colin, c'est violent, ça. C'est assez violent. Tu peux pogner un bon choc électrique avec ça. Moi, il y a Alain, qui est @amigo sur Twitter, qui dit « Un de mes amis, en jouant à Black Ops, a lancé au mur sa manette de PS3. J'ai entendu ça dans mon oreillette et je riais de lui. » Encore plus frustrant, Olivier Morin, Noël. Ma mère est une experte dans l'art de calisser des coups de manette de Wii dans les meubles. Il dit, j'ai aussi vu un de mes amis garrocher un chaton dans un mur en perdant à Diddy Kong Racing. Je sais que c'était clair. Tire un chaton, man. Tabarnak! C'est pas que la première chose vivante à côté. C'était ton petit chaton qui te regardait, qui fixait l'écran, tu sais. T'es trop cute. Tu vas payer pour des licornes. Oh, wow. Il y a Max Lauzon qui dit « Moi, j'ai lancé plusieurs fois ma manette de NES sans toutefois la briser. » Plus tough dans le temps. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'était plus rough dans le temps. Ça fonctionnait. Frédéric Lalonde, c'est ça que tu viens de dire, Frédéric Lalonde? Non, okay, c'est Max Lauzon. En fait, ça m'est arrivé à moi, mais pas par ma faute. Je devais avoir 14 ans et je venais d'échanger ma Nintendo 64 contre une PS2 pour terminer Shadow of the Colossus. Ça faisait à peine 2 semaines que je l'avais et une bonne soirée, ma sœur a joué à la PS2 à Jack and Daxter. Elle a pogné les nerfs après et elle a tiré sur la manette et comme les manettes étaient faites avec le fil, eh bien la console a suivi et a fait un magnifique chute de 2 étages de meubles. Résultat, je venais de perdre ma PS2 à peine échangée contre ma Nintendo 64 et j'ai jamais pu finir ma game de Shadow of the Colossus. C'est-tu un réflexe féminin, triste. Ça, de tirer sa manette? Oui. Quand même, j'ai vu ça souvent de la part des demoiselles. Ça arrive souvent, là, quand même. Il y a Nicolas Chalifou qui dit « Une manette de PS3, j'ai crissé toutes mes forces à terre. Une des raisons pourquoi je joue plus trop online, surtout à NHL. » Mais là... Il t'en reste d'autres, toi? Moi, j'en ai un, je le garde pour la fin. C'est oui, là. Oui, il m'en reste d'autres. Attends un peu. Il y a Danny, @DPire, qui dit « Oui, au NES, en jouant à Cobra Triangle. Hey, » Maison, moi, avec. Ah ouais, hein, c'est pauvre dur, manette. Cobra Triangle. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que j'étais juste poche. Ben, moi, j'ai répondu aujourd'hui qu'il y aurait sûrement le même réflexe parce que Cobra Triangle, c'est vraiment difficile. Non, c'est vraiment tough. Il y a Martin Houle qui dit « Moi non, mais ma blonde, oui, elle est très mauvaise perdante aux jeux vidéo. J'évite de lui laisser mes pièces de collection. » Ouais, c'est clair. Il y a Kevin Wallet Giroux qui dit « J'ai brisé un nombre X de manettes de Super Nintendo ainsi qu'un chandelier en vitre à ma mère en lançant une à aveuglette. Maintenant, je me contrôle, j'espère. » Beau chandelier. Ah, barouette, c'est donc bien violent. Mais c'est ça, je pense que that's it. Ben, sinon, moi, j'ai JB Gagné pour finir qui dit « J'ai toujours été doux avec mes jeux vidéo, sauf une fois au chalet. » On s'en va en musique avec The Moon, tiré du jeu DuckTales au NES. Thank you. top 5. Cette semaine, on a un top 5 vraiment sexy pour vous autres. Là. C'est très sexy. Qui peut virer creepy assez rapidement parce qu'on va parler des meilleures babes de jeux vidéo, donc les plus belles femmes des jeux vidéo. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer avec notre numéro 5. Numéro 5. Que, comment elle s'appelle déjà? Il a la misère à dire son nom. C'est Mei Shiranui. Shiranui. T'as comme pas le choix de dire son nom à la japonaise. C'est Mei Shiranui. Puis elle vient de Fatal Fury. Ouais. C'est une combattante de Fatal Fury. Puis, je pense qu'on dirait Fatal Fury. Fatal Fury. Parce que Fury, ouais, c'est vrai, poilu. Fury, ouais. Ça ferait bizarre. Poil, fatal. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ben, premièrement, as-tu déjà joué à Fatal Fury? Oui, j'ai déjà joué à Fatal Fury. Moi, j'ai déjà joué aux deux au Super NES, okay. C'est tout. Non, mais, j'ai joué même au premier, puis c'était pas mal le fun. Je jouais à ça à l'arcade, puis c'était... Avec les frères Bogart. Ouais. Ils sont cool, les Terry Bogart. Mais elle, dans le fond, on s'en sacre totalement, tu sais, elle est pas... Ben, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment hot au niveau du combat. Non, elle est pas hot au niveau du combat. C'est juste que cette fille-là, tu sais, même niveau cosplay, il y a souvent des filles qui décident de faire cette fille-là parce qu'elle est écœurante, mais faut vraiment être audacieuse parce qu'elle a pratiquement rien sur le corps. Ben ouais, c'est ça, elle est à moitié à poil. Son kit est vraiment, là, je veux dire, c'est des draps, là. Tu vois pratiquement tous les seins, tu vois les fesses, puis à ce genre de kit. Comme Camille, qui a failli être dans le top 5, mais qui l'est pas. Mais Camille de Street Fighter aussi, qui a un kit qui monte justement là, quasiment toutes les hanches. Ouais. Mais elle, c'est vraiment genre une petite... Je sais pas ce qu'on appelle ça. Juste un panneau en avant, un panneau en arrière. Tout est ouvert. Là, pas grand-chose. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est ça, c'est ouvert à tous. Open for business. Ouais. Open for fighting. Open for the Fatal Fury. Mais c'est fou les seins là-dessus. Ils en mettent tellement. Là, ah oui, c'est caramel parce que ça a dégénéré. Ça a dégénéré là, avec les fans, le cosplay. Les fans, les fans juste de plus en plus parce que les Japonais aiment ça. Très gros. Bon, pas juste les Japonais, on l'avoue là, mais les Japonais aussi aiment ça bien gros. Fait que elle. Anna des bien gros. Ouais, knockers, assez solide. Des knockers. mais c'est ça, bref, elle a comme des petits pompons. Pis tout. Il y a comme un côté cute, mais la fille est très femme, tu sais. Elle est ronde. Elle est pulpeuse. Et c'est ça, elle est pas comme musclée ou whatever, tant que ça, tu sais. Non, elle est athlétique, mais pas trop. T'sais. Non, c'est ça, elle est pulpeuse. C'est une belle forme. Là, elle ressemble à une fille de comic book, fait que ça marche. Ça marche. Numéro 4. Quatrième position dans le range des Dominatrix. on avait pensé à Rachel dans Ninja Gaiden. Oui. Elle fait pas mal, mais finalement, on voulait y aller avec de quoi de plus old school que ça. On a choisi Dark Queen dans Battletoads. Oui. Qui est pas mal, à mon souvenir, la première femme. Comme sexe, tu sais, que j'ai vu dans les jeux, dans les jeux vidéo parce cas, que ça c'était au NES, tu sais, au Nintendo. Puis je sais pas pourquoi elle est méchante. En tout cas, elle est vraiment toute habillée en luisant, latex, whatever, les cheveux. Elle est comme un Vampirilla un peu. Elle me fait penser à Elvira. Elvira, c'est ça. C'est vraiment le même genre. C'est ça que je voulais dire. Elvira est pas mal pareil, là, ouais. T'sais, avec les seins remontés jusque dans la gorge, puis les fesses bien rebondies en arrière, puis tout en noir. Pis ouais. Et dark, avec une espèce de grosse. Les boots, puis tout, là, puis les yeux avec le. Non, elle est totalement dominatrix. Là, totalement. Ben, tu sais, c'est pour faire justement la Dark Queen, c'est la méchante, fait qu'absolument, faut qu'elle soit comme ça, tu sais. C'est mieux que la grand-mère dans Willow, admettons. C'était mieux que la méchante, ça soit comme ça. Ah, là, c'est clair. Mais ils ont vraiment choisi ça. Je n'ai aucune idée pourquoi. Parce que dans Battletoads, tu as des rats, des grenouilles. Ouais. Tu n'as rien. Puis d'un coup, badang. Ouais, t'as c'est ça. Aucun lien. Là, mais en tout cas, je l'ai jamais vu en jeu parce que j'ai jamais réussi à me rendre jusqu'à la fin. Non, mais ta voix en jeu. Puis aussi, dans la version Super Nintendo, il y avait. Il y avait une version évoluée de Dark Queen qu'on voyait dans les écrans, justement, dans les cinématiques. Elle était pas mal plus réelle. Puis moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait comme boum, baboum. J'étais vraiment impressionné là, chez nous quand même. Puis je veux dire que. Tu sais, quand t'es jeune, t'as pas besoin de grand-chose. C'est ça, quand t'es jeune, t'as pas besoin de grand-chose. Ça nous a marqué. Un petit peu de latex, puis de pixels, puis... On a tout ce qu'il faut. Numéro 3. Quatrième place pour un choix un petit peu plus facile. J'ai décidé de mettre Samus là-dedans. Oui. Parce que... Oh! Ouais, c'est troisième place. Merci. Combien j'ai quelle place? T'as dit la quatrième place. Okay, c'est bon. T'étais trop dérangé par Dark Queen. Alors, quatrième place. Encore quatrième place. Ah ouais, là, je vais la barrer, là. OK, une autre fois, quatrième place. Numéro 3, numéro 4, numéro 3, 4. Alors, troisième place. j'ai mis Samus. Mais oui. Qui est un choix normal. Mais c'est un bon classique, choix. Parce que, tu sais, il y a toutes les filles régulières, là. Ouais. Ouais, on aurait pu mettre Lara Croft. Mais ouais. Dans les choix prévisibles, je sais pas, j'avais plus envie de mettre Samus. Ouais. Parce que ça a bien vieilli avec le temps. Ouais, puis même dans le dernier, dans Under M. Dans Under M, là, c'est là que ça m'a vraiment convaincu. Ouais. Là, ça, tu sais, bonne attitude, indépendante, ouais. Solide, tu sais, ouais. Vraiment. Elle se fait péter à gueule, elle se relève, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Bien populaire aussi dans tous les forums, dans le cosplay. Ouais. Ils l'ont requinqué pas mal, là. Ouais, les pas seins, mal. Ils ont poussé, ouais. C'est malade, là, mais dans son saut de bleu, là, tu sais. Ouais. C'est pas mal la seule. C'est-tu la seule blonde qu'on a aussi dans notre c'est, top? Hein? Oui, c'est la seule blonde qu'on a. Fait que ça en prenait une. Ça en prenait une, on a blonde. Une belle petite mais au blonde moins, c'est une blonde femme forte, intelligente, oh, ouais, tu sais. Fait que c'est au moins ça, tu sais, c'est pas une blonde nounoune, là. Non. On peut pas aller pogner. Ben, on aurait pu mettre Peach. J'ai comme, ben, elle peut-être ouais, pas niaiseuse, mais j'ai comme l'impression que Peach est plus nounouche que sa ouais, mousse, mettons. Ouais, puis Peach, c'est comme pas une babe, là, tu sais, ouais. t'as le goût de la mettre sur le bord de, tu sais, sur le bord d'un armoire quelque part comme un bibelot, t'es comme, ouh, cute, mais ouais, c'est pas, tu sais, c'est comme Tifa de Final Fantasy, tu sais, il y a ouais. Plein de gays qui capotent là-dessus, mais Tifa a l'air d'une petite fille, elle a l'air c'est un pas peu une babe, jeune, ouais, c'est un peu jeune, elle trop jeune pour à notre goût. Là, ouais, autres, trop les, jeune les vieux chats. Mais non, Samus a vraiment a pris une méchante coche dans Other M. Là, ouais, parce vraiment. Que si on se fie aux autres auparavant, c'est pas dans la version Super Nintendo ni Nintendo. On voyait pas grand chose comme... sauf quand elle mourait à la fin. Ouais. Ou, quand elle mourait ou à la fin, si tu réussissais à la voir ouais. En genre de bikini, je sais pas quoi. Là, ouais. Mais ça donnait pas grand chose. Mais non, elle a vraiment sa personnalité vraiment, maintenant. Puis non, moi, je l'aime bien. Ouais. Numéro 2. Fait qu'en deuxième position, moi, il y a Morrigan de Darkstalker. Puis moi, ça, c'était un choix vraiment évident. Ouais. Parce que côté cosplay. Très cette fille-là là, est tellement populaire, ça n'a pas de bon sens. Puis je comprends parce que son costume est comme cool, tu sais. Comme est-tu... des espèces d'ailes de chauve-souris sur la tête puis dans le dos. Ouais. Puis un genre quand de collant ça... rose avec des petites chauves-souris. Ouais. Dessus. Elle est comme une espèce de vampire, une succube. Ouais. Ouais, ça serait ouais. Ça le terme, je pense. Là. Non, c'est pas mal le terme, là, tu le dis bien. Mais c'est quoi ce jeu? Peux-tu m'expliquer vite fait, c'est quoi Darksiders? C'est du combat, à vrai dire. C'est un jeu de combat, un contre un. Oui, oui. C'est ça que c'est ça... jeu de combat. Okay. Fait que tu sais c'est la même chose que tous ces genres de jeux là puis elle était dans Marvel vs Capcom aussi, c'était ouais. Des combattantes. Fait que non, puis ce personnage là il fonctionne bien, tu sais elle combat super bien puis c'est une badass puis tu sais c'est pas une petite nounouche là. Ah non, elle est pas conne elle, là, elle ouais. Vraiment forte puis mais c'est une vraie un peu démon baveuse, ou ben oui, ou, c'est comme un déguisement. Non, c'est comme une démon. Ah, okay, c'est okay, une vraie démon, elle a des vraies petites dents pointues. Ah, OK. Mais c'est juste elle, côté courbe, là, cette fille-là est faite comme un grand S. Elle est vraiment comme... Elle bouge dans plein ouais, de façons. Elle est tout le temps, pliée. Ah oui, elle est vraiment hyper curvée. Puis moi, c'est ça justement qui fait comme... je la trouve écœurante. Je la vois, puis je suis comme tabarnouche. Elle est toute en rondeur. Elle est magnifique. Puis en plus de ça, elle est baveuse. Elle a une attitude. Elle ouais, comme, ouais. Fait que moi, ça... Puis elle a des ça. Cheveux verts, puis on n'avait pas de fille aux cheveux verts. Exact, elle a des cheveux verts, mais des fois aussi, elle a les cheveux noirs. Puis tu sais, dans le cosplay, il y a beaucoup d'interprétations à ce personnage-là, d'un dessin aussi. Puis je sais qu'elle n'a pas tout le temps eu les cheveux verts, fait que là... Ouais, ça doit être récent, ça. Il y a plusieurs versions, ouais, tu sais, mais... Je trouve ça drôle parce que ça, c'est genre le personnage que sur papier, t'expliques ça à quelqu'un. Ah, c'est une super belle fille, tu vas voir, à des ailes de chauve-souris sur la tête puis dans le dos. Le ouais, mais ça. Comme... Hein, quoi? Mais même son saut, je veux dire, son saut, il est pas badass vraiment. Il est comme non, pas même tant que ça. Un petit peu niaiseux dans un sens. Ouais, mais, sauf qu'elle, elle porte elle la l'assume merveille, bien. C'est, là, ça. C'est ça qui fait hot, là, dans le fond. Ah oui. Puis tu parlais de sa forme de S, là, tu sais. Oui. Moi aussi, je suis fait en S, tu remarqueras ça. Oui, là, c'est vrai. Là, comme les fesses qui ressortent, là. Je ressemble à ça. Tu ressembles à Morrigan. le top 5 des gamers québécois, moi j'arriverai en deux, man, avec ma forme de S. Colin, fait qu'à l'Halloween, on te met des petits ailes de chauve-souris sur la tête dans le dos. Pis... C'est clair. That's it. Numéro 1. Alors, première position, Nariko de Heavenly Sword, un jeu qui est mal aimé, malheureusement. Qui... Y'a-tu mal aimé ou pas connu, genre? Ben, pas connu et mal aimé. Y'a beaucoup de monde qui ont condamné ce jeu-là à cause qu'il était pas très long. Ah, okay. Puis à cause qu'il y avait une utilisation de la Six Axis dedans, c'est quoi, qui ça fonctionnait bien. C'est la DualShock, mais quand tu t'en sers pour faire des mouvements. Ah, ok. Donc, okay. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait à merveille. Je l'ai critiqué à Monsieur Net, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Puis c'est ça, Nariko, c'est juste que comme fille, mélanger beauté et badassery, ouais. Brains, c'est la meilleure. Aussi, oui, elle vraiment elle puissante, là, cette fille-là. Elle est mm-hmm. vraiment brutale, puis elle mange des volées, puis elle retombe à terre, puis elle se relève, puis elle a des cheveux de feu hallucinants. Ouais, elle, a toute une coiffe, là, je veux dire, c'est très long, puis c'est très beau. Puis elle est juste belle, tu sais. Contrairement aux autres qui sont quand même, tu sais. Ben, les autres sont un peu bidounes, là. Gigantesques, ouais, seins. C'est ça. Elle, c'est le contraire. Puis pourtant, c'est, d'après moi, la meilleure babe de tous les temps dans les jeux vidéo. Puis je me suis aperçu que je suis pas tout seul, finalement. Fait que, ouais, sûrement pas. Parce qu'au début, tu sais, on a parlé de ça, quelle babe on allait mettre dans le top 5. Puis là, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai comme, OK, il y a comme beaucoup de monde. Puis même dans d'autres tops. Ouais. Qui ont été faites sur Hugo IGN, puis des sites du genre, elles se retrouvent souvent là-dedans, puis des fois au numéro 1, fait que on n'est pas fou. Oh, on n'est pas fou, certain. C'est beauté un petit peu plus naturelle, ouais. Moins guidoune, avec ouais. de la force, du brains, du power, de l'attitude. Ouais, naturel et sauvage, puis moi je dirais... Ouais, elle fait Amazon un peu. Ouais, elle fait Amazon un peu, puis moi je dirais en passant, tantôt on a parlé de Lara Croft, là. Moi Lara Croft, elle serait retrouvée dans le top 5 si le nouveau jeu était sorti. Mm-hmm. Parce que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant du ouais. next-gen, elle, je la trouve vraiment belle, puis écœurante, puis badass, mais pas la version qu'on a présentement. Ah ouais, ben Tomb ils Raider, ont changé la face, moi, je trouve. Oui, ils ont changé naturé, la face. Mais on dirait qu'elle aurait pas dû faire ça, je sais pas. C'est plus une... Elle a de l'air japonaise maintenant, elle a plus de l'air anglaise, tu sais. Ah. Ou elle a plus de l'air, en tout cas. En tout cas, chacun anyway, a ses affaires. D'ici là, c'est Nariko. Nariko qui gagne. Qui est malade. Allez télécharger plusieurs images de ça, puis le reste, puis ça vous regarde. Faites ce qu'il y a à faire. C'est ainsi que se conclut ce 27e épisode de Rétro Nouveau. En passant... Ben, moi, pour commencer, j'ai bien aimé tous vos commentaires sur la discussion ouais, là, beaucoup, aujourd'hui. Hein? C'était super cool. Drôle. Merci de votre collaboration. Puis, en passant, je voulais vous dire que on travaille sur quelque chose de gros à Rétro Nouveau, mais on oui. vous dit pas c'est quoi, pas en tout. Non. Mais c'est ça, on travaille sur quelque chose de gros, de pas mal intéressant. Fait que on a hâte de vous en parler. C'est pas pour tout de suite, par exemple. Là, non. Ça irait plus, on le dit-tu quand, à peu près? Ouais, on dirait que, en tout cas, on vise le mois d'août environ. C'est ça, on vise le mois d'août, mais il n'y a rien de coulé dans le béton. On commence à parler du projet. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est ça serait bien swell. Ça serait bien swell, c'est vraiment un super beau projet, puis on n'est pas tout seul là-dedans, il y a d'autres mondes qui embarquent avec nous autres, puis on a bien hâte de vous dire c'est quoi. Ouais, c'est ça. Mais arrête de parler maintenant. Mais là-dessus, j'arrête de parler parce qu'on veut pas en dire plus. Fait que c'est ça, puis moi, pour terminer, j'aimerais vous dire tout simplement de vous ajouter à notre page Facebook, si c'est pas déjà fait, c'est facebook.com/rétro-nouveau. Ouais. Vous pouvez aussi nous ajouter sur Twitter, @rétro_nouveau. Puis, en passant, comme on a dit en début d'épisode, si vous avez des articles, des idées, des vidéos, de n'importe quoi que vous voulez nous envoyer... Contribuer. On va les publier sur le blog, puis on va les mettre dans la section. Exact. Qu'on va créer ou qui est peut-être déjà créé. C'est ça. Puis ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Les gens motivés, il y en a beaucoup. On s'en rend compte. Exactement. Fait qu'en tout cas, that's it pour le 27e. On se retrouve la semaine prochaine. All right. Yeah. Bye.